Le soleil pointe sur la rue déserte où jadis je mordais la poussière. La porte grince, un écho de vie. Ryderski revient chargé de défis. Le comptoir s'illumine au lointain, un nouveau commence un chemin. Rayons vides, demandes et promesses, des caisses attendent, des cailloux, une adresse. Reste à forger mon poignet résolu, mais cet écrin de bois reprend à l'aveu. Les barils claquent, le café fume, je remplis les étagères. Point de bruit. Chaque article est un rêve retrouvé, de la farine, des revolvers rangés. Les murmures du passé se répercutent dans la poussière que mes bottes s'autoproduisent. Ryderskill redonne vie à ce lieu brisé, son nom résonne. Choisi l'aïeul ancré. In the heart of dust and timber light, I stalk the dreams of dawn's first sight. General story born through les clients arrivent, silhouettes calmes. Certains s'approchent avec leur désespoir infâme. Je conseille, je vends, je négocie. Les sourires renaissent, l'espoir surgit. Le village grelotte, mais il respire. Et j'y verse des rivières d'avenir. Une jalousie murmure par la ruelle. Butchers, outlaws, tant de leurs querelles. Des dents je positionne tout avec soin, précision. Mon ancien moi forge une nouvelle vision. Thank you. tomahawk ce matin son missile d'or. Dans le mini-jeu, je vise et je remporte encore. Les licences s'alignent comme mes espoirs sur la route de l'envie qui se répare. De la poussière naît une scène, ma maison perchée veille sur la plaine. J'embellis les murs, repeins l'intérieur. Chaque planche, chaque couleur est une ardeur. La maison sur la colline me regarde renaître comme une étoile après l'échec. Les clients reviennent fidèles et fiers. Je suis l'encre, l'espoir. Le monde s'éveille, mais reste paisible.